Quoi, Cassino, c'est Mathéo du Pequogami pour la chronique Il nous propage. Je suis maintenant en Palestine, en train d'observer et d'être en solidarité avec cette lutte anticoloniale qui est dans une phase assez violente et assez intense, je vous dirais, par rapport à mes observations, mes courtes observations, parce que ça fait pas très longtemps que je suis ici. Donc, pour cette émission, ben, je vais vous faire un bref capsule sur un concept que je crois qu'il faut toujours rappeler l'importance, c'est-à-dire le concept de solidarité dans un contexte de lutte autochtone ou de lutte anticoloniale. Je pense que c'est toujours, toujours important de réfléchir à ça, de se remettre en question le pourquoi on est en solidarité avec cette lutte-là, puis pourquoi, c'est quoi notre place dans cette lutte-là. Donc, et puis ensuite, je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai vu, puis à ce que j'ai participé ici en essayant d'y aller plus dans les faits que dans l'explication, parce que ça fait pas très longtemps que je suis ici, puis justement, j'ai plus à constater qu'à réfléchir, je pense, en ce moment. Donc, voilà, par rapport à disons, la solidarité, faut comprendre que les luttes autochtones, c'est une prise de pouvoir, en fait, d'une collectivité, d'un groupe de personnes vis-à-vis d'un groupe qu'ils dominent, c'est-à-dire qu'ils dominent pas juste façon territorialement, ils dominent aussi de manière économiquement, puis aussi très important, de manière culturelle. Donc, que ce soit par la langue, par les façons de faire aussi au niveau de la lutte, je crois qu'il y a souvent une transposition des manières allochtones au peuple autochtone dans un objectif de résistance qui est un peu colonisatrice aussi à un certain point. C'est justement dans l'idée de la prise de pouvoir collective, c'est vraiment une composante essentielle. C'est-à-dire que ça doit être la population, la communauté, les peuples autochtones qui doivent à l'interne décider justement de comment va se faire cette prise de pouvoir-là, comment va se faire cette résistance-là. Puis elle peut s'inspirer des luttes externes, des autres luttes, mais elle doit être vraiment autonome, je dirais. Elle ne doit pas être influencée par les gens qui sont en solidarité. C'est vraiment l'autonomie, la prise de décision en communauté qui prime d'abord, parce que c'est justement un peu l'idée d'une lutte anticoloniale, c'est de sortir de la domination d'un autre peuple, d'une autre façon de vivre, par la prise en charge collective, justement, de notre propre vie. Donc, ça se passe à tous les niveaux, puis encore plus au niveau de la résistance, c'est-à-dire que la prise de pouvoir totale de notre façon de faire au niveau de la résistance est un pas vers justement la prise de pouvoir totale de nos façons de faire, de nos vies, de nos objectifs. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, au niveau des allochtones qui prennent position dans les luttes autochtones, il faut vraiment prendre en conscience aussi de sa position de colon, ou c'est-à-dire une position de personne privilégiée par ce système, puis aussi dépendant d'un système colonial. On peut prendre exemple sur la lutte prolétaire. J'ai croisé à Montréal il y a quelque temps une affiche, si je me trompe pas, ça disait prolétaires autochtones unis. C'est quand même drôle, parce que faut comprendre que les luttes prolétaires européennes étaient, à l'époque ou encore aujourd'hui, étaient un concept intéressant, mais dans un contexte colonial, les prolétaires, la partie de la population qui est le prolétariat, profitent directement et survivent essentiellement par le vol et l'utilisation, la destruction des terres des peuples autochtones et de la domination de son peuple sur celui-ci. C'est-à-dire, on peut le voir par des exemples bénins. Si on regarde, mettons, dans les groupes syndicaux au Québec qui peuvent pas vraiment s'allier avec une lutte contre l'exploitation du territoire, parce que beaucoup de ses membres travaillent dans les exploitations, dans les mines, dans les barrages hydroélectriques. Donc, il y a comme un inceste, disons, à l'intérieur de ça qui fait que la solidarité est un peu impossible. Puis on peut voir ça à d'autres niveaux, c'est-à-dire que dans les peuples autochtones vont toujours être la population un peu exploitée, ou comment je pourrais dire, qui, grâce à sa domination, permet au prolétariat, aux gens de la branche productrice ou la branche possédante du monde colonial, de survivre. Donc, sans cette domination-là, le prolétariat ainsi que la branche dominante ne peut pas exister sur un territoire volé. Donc, il y a vraiment une réflexion qu'on doit prendre par rapport à ça, qui fait que le colon, l'Alloctone qui vit sur un territoire volé, un territoire autochtone, est à un certain point dans une situation que s'il n'y a pas cette domination du territoire, sa propre existence sur ce territoire-là est mise en jeu parce que les systèmes coloniaux, sans la domination du territoire, ne peuvent pas exister. Donc, c'est très, très important ce concept-là parce que justement, pour être en solidarité avec une lutte autochtone, une lutte par exemple contre l'exploitation du territoire, il faut se demander si dans un, même en tant qu'autochtone, dans un objectif futur, on est vraiment contre cette exploitation-là du territoire, puis est-ce qu'on est prêt à justement changer culturellement, changer de façon de faire pour essayer, pour ne plus être en domination sur ça. Donc c'est une question qui est assez importante, je pense, à prendre en considération. Ensuite, il y a quelque chose que je voudrais toucher aussi au niveau du pacifisme. On a souvent l'impression qu'il y a un stéréotype qui est véhiculé. On pourrait l'appeler le stéréotype du bon sauvage ou le stéréotype des valeurs sécuritaires. C'est-à-dire que souvent, les gens vont prendre les peuples autochtones et leur accoler une étiquette dessus, comme quoi on est des gens pacifiques, des gens proches de la nature, puis tout ça. Puis c'est un peu des valeurs qui sont sécurisantes, qui sont non culpabilisantes non plus, qui te permettent d'aller t'impliquer dans une lutte qui te paraît, selon les valeurs presque chrétiennes, disons, te rassurer dans une idée que cette lutte-là est légitime. Mais cette chose-là, c'est un peu faciliter la complexité du sujet parce que c'est pas noir ni blanc, il y a beaucoup de zones de gris. Puis dans le monde colonial, on remarque qu'il y a beaucoup on met les gens dans des cases, c'est-à-dire vous avez la loi sur les Indiens qui est une case qui t'embrique dans une case, les réserves, puis aussi la façon de raccourcir, disons, la vision de l'Autochtone en disant que ils sont proches de certaines valeurs et c'est un peu déshumanisant, c'est-à-dire qu'on est premièrement des humains, puis des humains ont plusieurs points de vue, plusieurs façons de voir, puis peuvent aussi bien être considérés par celui qui le regarde bien ou mal, mais c'est justement, on n'est pas en solidarité avec les peuples autochtones parce que qui sont pacifiques et qui aiment l'environnement, si on est en solidarité avec les peuples autochtones, quoi, est-ce qu'on est contre cette domination-là d'un peuple, qu'on est contre cette façon de faire-là, cette idéologie-là de dominer les gens sur leur propre territoire, puis d'imposer notre façon de voir, d'imposer notre culture, d'imposer le capitalisme. Donc, aussi à un certain point, quand après plusieurs réflexions, je me disais aussi par rapport à mettre dans des cases, on pourrait dire compartimentalisation, désolé, de la vie des personnes qui sont sous la colonisation. La lutte anticoloniale aussi est certainement une certaine compartimentalisation aussi de notre vie, de la vie des peuples autochtones, en expliquant justement, en résumant un grand nombre d'éléments dans un principe de lutte. Je pense que c'est raccourcir encore une fois la situation, puis ces techniques-là, ou bien cette tendance-là à raccourcir les choses, on peut la voir un peu partout. Quand on parle des Autochtones, avant on disait les Sauvages, les Indiens, les Amérindiens, Autochtones, Premières Nations. C'est tous des modes de raccourci pour parler de plusieurs choses, c'est-à-dire juste au Québec, si on pense aux 11 nations, quand on dit Premières Nations, c'est vraiment raccourcir le concept, c'est-à-dire qu'il y a 11 nations, puis au lieu de parler de chaque nation, de s'impliquer vraiment dans un objectif de solidarité avec une nation, une communauté, des gens, des familles, on va mettre ça dans une grande case qu'on appellera les Premières Nations. On peut voir ça aussi avec la division territoriale dans un monde colonial, comme chez nous. Québec, le mot Québec qui représente tellement de territoires, ce qui est un peu absurde parce que comment un mot justement, un mot si petit peut décrire aussi long de territoire. Je pense que c'est une conceptualisation occidentale qui est un peu erronée dans un sens parce que ça veut rien dire, ce mot-là. Même chose pour le Canada. Donc, l'idée de justement globaliser les choses, de mettre ça avec un terme pour expliquer tant de choses, est un raccourci qui est très, très dangereux. Sinon, au niveau de la solidarité, je pense que ça va passer par les communautés. Je pense que l'idée, ça serait vrai, c'est vraiment de s'impliquer dans une communauté, de connaître une communauté, de connaître les gens qui font partie d'une communauté pour vraiment entamer une idée de lutte, de solidarité. Parce que ça commence tout d'abord par l'écoute puis l'apprentissage. Parce que quand tu t'impliques dans une lutte anticoloniale, quand tu t'impliques dans une lutte d'un peuple qui est différent du tien, c'est beaucoup plus par l'écoute et l'apprentissage que tu vas grandir. Tu vas pas là dans une idée d'aider, tu vas là dans une idée d'accompagner. Donc, tu grandis toi aussi. Il y a un échange là-dedans qui est vraiment important. Fait que je vois ça plus comme un chemin que les gens s'accompagnent que plutôt un moment spécifique de résistance que la solidarité se fait illico. C'est vraiment un chemin, un cheminement, une compréhension de l'autre qui est nécessaire. Puis, dans ce chemin-là, il y a beaucoup de façons qu'on peut faire, c'est-à-dire on peut appuyer logistiquement, appuyer financièrement, des choses que les communautés manquent souvent, c'est-à-dire de fonds autonomes pour pouvoir organiser des choses sans passer par leur conseil de bande ou sans passer par des grandes organisations. C'est ultra important, puis c'est quelque chose qui manque. Puis ça, c'est au-delà de ça, c'est la question, c'est pas de se demander qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est de demander justement aux gens, qu'est-ce que je peux faire, t'sais? De demander aux communautés qu'est-ce qu'on doit faire pour appuyer, pour être en solidarité, plutôt que d'arriver, de s'asseoir comme tous ensemble et de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour les peuples autochtones? Non, qu'est-ce qu'on fait avec les peuples autochtones? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Je pense que c'est super important. Donc, ensuite de ça, on va retourner un peu dans le monde aussi qui m'entoure aujourd'hui. Je suis à Nablus, en Palestine. Je vous avouerai que c'est assez intense ce qui se passe ici. C'est vraiment une colonisation violente, déshumanisante et humiliante qui se passe ici. J'étais assez sous le choc dernièrement quand j'ai découvert ça. On en parle un peu dans ce qu'on appelait le Québec comme une lutte qui est vraiment importante, mais je pense que chez nous, on n'a pas idée à quel point c'est intense et complexe ici. Donc, puisque ça fait pas très longtemps que je suis ici, je passerai pas des heures à expliquer, essayer d'expliquer la situation. Je peux vous parler un peu d'un village justement que je suis allé ce vendredi passé parce qu'il y avait une manifestation qu'ils font tous les vendredis. Je suis allé là en solidarité, essayer de comprendre la situation. Donc, ce village-là, qui s'appelle Nabessalin. On commençait à faire des manifestations en 2009, tous les vendredis, parce que, je vous explique un peu le paysage, vous avez le petit village de 500 personnes. Devant nous, au-dessus d'une colline, on a une colonie, c'est-à-dire un endroit où les Israéliens se sont installés avec des belles clôtures pour se protéger, où ils ont imposé leur village. Puis, juste au pied, à l'entrée du village, une tour de garde avec l'armée qui est là tout le temps. Donc, le settlement, la colonie, il y a eu certains affrontements. Parfois, il y a des attaques puis tout ça. Mais en 2009, ils ont pris possession du puits, de la source d'eau du village palestinien. Donc, il y a eu une manifestation qui a commencé le vendredi. Puis, la réplique de l'armée a été assez brutale. C'est-à-dire qu'ils ont carrément lancé de la lacrymogène partout dans le village. Ils ont fait une invasion du village, ils sont rentrés à l'intérieur du village, justement, ils ont défoncé les portes, pris possession des toits pour pouvoir gazer et prendre le contrôle du village. Ils ont gazé à l'intérieur des maisons. Donc les gens devaient se sauver, vu que les portes, ils ont barré les portes aussi, ils bloquaient les portes, les gens devaient se sauver, les familles devaient se sauver par les fenêtres, puis tout ça. Ensuite de ça, ils utilisent plusieurs types d'armes ici pour contrôler les foules, je dirais, pour imposer la colonisation. Vous avez le lacrymogène. Le lacrymogène, c'est un peu... on en a chez nous aussi, mais eux, ils l'utilisent aussi avec un jeep que t'as environ peut-être 150 lacrymogènes qui peuvent être lancés en moins d'une minute. Donc, vraiment une shitload de lacrymogènes. Ensuite de ça, vous avez des rubber bullets. Les rubber bullets, des balles de plastique qu'ils utilisent aussi. Il y a les... Copper Steel Bullet, qui est en gros un réservoir de 15 billes de métal qui sont lancées, que ça revole un peu aléatoirement, qui sont là pour blesser, en fait, qui est un peu dans l'idée du rubber bullet, mais que j'imagine qu'ils doivent pincer un petit peu plus, je ne les ai pas essayés. Puis ensuite de ça, vous avez aussi le skunk truck. Le skunk truck, c'est un camion en eau, qu'on pourrait dire, mais qui peuvent mettre des produits chimiques à l'intérieur, qui fait que ça sent très, très, très mauvais. Ça, c'est, je crois, que le truc que les Palestiniens ont le plus peur, parce qu'après ça, tu sens pendant au moins un mois la merde. Donc, le skunk truck, c'est quelque chose aussi. Puis, il y a aussi, évidemment, les vraies balles qu'ils utilisent aussi quelquefois. Donc, après avoir lancé des lacrymos partout dans le village, dans les maisons, arrêté beaucoup de gens, ils ont pris le skunk truck et ils ont arrosé les maisons, ils ont arrosé les réservoirs d'eau sur le toit des maisons aussi pour que ça sente la merde. Donc, il y a eu une résistance aussi à ça. Tous les vendredis, il y a des manifestations, puis il y a les Shebabs qui sont les jeunes qui répliquent avec des roches. C'est un peu inégal, mais en tout cas, qui répliquent quand même. Donc, puis après ça, en 2011, il y a eu un mort qui s'appelait Mustapha qui a reçu une lacrymo en plein visage dans l'œil. Ça a causé sa mort. Puis presque un an jour pour jour après, il y a eu un autre mort. Un autre homme qui s'est fait blesser par les copper steel bullets, puis finalement après ça, il s'est fait tirer avec des vraies balles, puis ils l'ont arrêté quand même malgré qu'il était blessé, ils n'ont pas laissé les ambulances venir, puis l'homme est décédé de ses blessures. Donc c'est ça le contexte du village, un petit village de 500 personnes qui encore aujourd'hui tous les vendredis vont manifester. Moi, j'ai été sur les lieux de la manifestation. Il y a eu des lancers de lacrymos, mais en général, ça n'a pas été trop. Il n'y a pas eu trop de blessés, ni trop d'armement utilisé. Mais disons que j'ai pu observer un peu la résistance des gens, quand même, des jeunes surtout, qui se doivent de résister parce que, comme certaines disaient, ils doivent être prêts à subir cette colonisation-là, subir cette violence-là. Mais par exemple, les soldats vont venir une fois par mois dans le village, une fois par deux mois, à chaque fois qu'ils changent de soldat à la tour de garde. Ils vont venir dans le village et prendre des photos de toutes les jeunes durant la nuit. Ils rentrent dans les maisons, ils prennent des photos de toutes les jeunes pour pouvoir savoir où les Shebabs, les jeunes qui lancent des roches, résident et pouvoir possiblement les arrêter et puis aussi les intimider beaucoup. Donc, dans ce contexte-là, dans le contexte de résistance, quand tu dois évacuer ta maison à cause des lacrymos et tout ça. Les jeunes sont très, très vite impliqués dans la résistance et se doivent de résister parce que ça donne un sens aussi puis un espoir, j'imagine. Donc, c'est ce que j'ai vu cette semaine en allant à cette manifestation-là. Je vais essayer de vous garder un peu plus au courant de ce que je découvre. Là, je me prépare à visiter certains villages puis aller aussi... peut-être rencontrer les Bédouins aussi qui vivent des situations assez intenses ici en ce qu'ils ont appelé l'Israël, puis qu'on parle pas beaucoup, puis que je trouve qu'il doit être très intéressant. Donc voilà pour ma chronique Inou Propage. Je vous souhaite un bon mois et on se reparle le mois prochain. Nyant, Tenechkouten.